What's up, everybody? This is Matt Stryker. You're listening to the Late Night Wrestlers on Wrestlers Radio. Bonsoir et bienvenue en live pour un Late Night Wrestlers, le dernier avant WrestleMania. En effet, pour l'instant, nous sommes simplement sur l'autoroute, la Fast Lane, que nous a laissé la WWE ce dimanche. Pour m'accompagner, trois copilotes d'exception. Le premier est aussi italien qu'une Fiat 500, c'est Brusty. Salut à toi. Oui, bah j'ai pas le même klaxon par contre. Mais oui, salut à tous, bonsoir pour ce live. Voilà, et puis content de vous retrouver. Le second est aussi espagnol qu'une Seat Ibiza, c'est Gus. Hola, ¿qué tal? Voilà, c'est tout ce qui s'est dit en espagnol, ça n'ira pas plus loin. Hola, espagnol de la Vega, una cerveza, por favor. Voilà, et le dernier est aussi français qu'un Renault Scénic édition familiale, c'est le papa de la radio, c'est Rubénito. Rubénito. Pardon. Voilà. It's all. C'est parce que je suis cuisinier, donc voilà, qui est voilà. Cuisinier. Putain, j'allais le faire sans que tu me le dises, mais voilà. Et le dernier n'est pas là parce qu'il marche aussi fort qu'une Lada, c'est Seb qui a eu un problème informatique. Mais bon, on l'excuse tout à fait. Mais t'es allé sur YouPorn et depuis il a un virus. Ah, Gus, franchement, que tard. Donc mettez le moteur en route et dirigez-vous vers l'embranchement le plus proche, direction Fastlane, mais avant cela, un petit jingle. Nous revoici donc, nous sommes à Memphis, Tennessee, pour le deuxième pay-per-view gratuit pour les nouveaux abonnés du WWE Network. Et on vous rappelle, avant de nous plonger dans le show, que vous pouvez interagir avec nous via le YouTube pour vous donner votre avis, pour donner votre avis sur le show en même temps que nous, ou via le hashtag WRLive sur Twitter. On va commencer tout de suite avec le pré-show qui a vu un Miss TV, donc Miz et Mrs. Do qui sont arrivés pour interviewer ce cher Paul Heyman, le représentant de Brock Lesnar. Alors Miz a envoyé d'abord Mrs. Do au coin pour pas qu'il attire trop l'attention de la foule, comme d'habitude il y a eu ce petit jeu là. Et Paul Heyman pendant ce temps-là a fait une promo somme toute classique, disant tout simplement que Brock Lesnar était fort et que Brock Lesnar allait gagner. Classique, simple, rien vraiment à dire dessus. Donc on va s'attaquer directement au show principal avec un premier match où l'équipe composée de Seth Rollins, le Big Show et Kane ont vaincu Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback, donc les précédents licenciés qui ont été réintégrés au roster. Ils les ont vaincus en 13 minutes 1 seconde après que le Big Show ait mis un knockout punch sur Dolph Ziggler. Rubénito. Oui, alors ben moi j'ai cru qu'on était à Raw ou à SmackDown en fait, puisqu'on en a eu beaucoup de ce genre de match là ces dernières semaines. Et il y avait rien d'exceptionnel à part le finish. Alors je sais pas si j'en parle tout de suite ou pas, à part le fait qu'il y a un retour très important à l'issue de ce match. Donc j'avais l'impression que ce match servait juste à ça. Donc j'ai trouvé ça dommage en fait, le fait que Ziggler ait déjà perdu son hype du Survivor Series, que Ryback, malgré des bonnes réactions de la foule, on sait pas trop dans quelle direction ils veulent aller avec, que Rowan, bon ben on sait qu'il est très limité dans le ring. Et en face, Kane et Big Show, bon ben voilà, il y a plus grand chose à dire sur eux. Et Seth Rollins, je pense que son histoire de quéquette a malheureusement mis un petit frein dans sa progression actuelle. Après le match en lui-même, j'ai pas, franchement, il y a rien de notable. Il y a pas de fait notable extraordinaire dans ce match, à part les trois RKO de Randy Orton qui m'ont plu. Ça me manquait en fait de plus voir des RKO à la WWE. Donc voilà, pour ça, c'était cool. Et je trouve que le Randy Orton face est plus intéressant que le heel des dernières années. Le heel était plus intéressant en 2008, 2009 et avant, mais le face est plus intéressant, je trouve, ces dernières années, quoi. Oui, parce que tu me coupes la chic, mais oui, en effet, Randy Orton est revenu après le match. Il a fait son retour après quelques apparitions à Osho. Il faisait des apparitions à Osho assez fréquemment. Mais là, il est revenu en effet pour caler des RKO sur GNG Security. Et avant que Seth Rollins ne soit sauvé in extremis par Kane, je crois. Donc Kane se prend un RKO aussi, c'est Big Show. Ah pardon, donc c'est Big Show qui occupe un petit peu Randy Orton pendant que Seth Rollins s'en va. Quoi. En effet. Bruce. Bah ouais, non, mais c'est sûr, voilà, je suis à peu près les impressions de Robinito, hein. Franchement, ouais, c'est sûr que le match était assez quelconque, c'est vrai qu'on en avait un paquet, et puis par le passé quand même on voyait beaucoup de 3 contre 3 à l'époque du Shield bien sûr et tout ça, donc forcément ça n'a pas la même saveur d'entrée, puis c'était surtout un match un petit peu bouche-trou qui était organisé un petit peu en dernier recours et à peu près 10 jours avant le pay-per-view, bon voilà, qui était rajouté et des mecs on savait pas trop quoi en faire, et puis c'est vrai que Rollins, c'est vrai que Romanito a soulevé un bon point, il a dû payer un peu ce coup-là, parce que déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de plans, mais bon, là voilà, il était casé dans un petit rôle. En plus, là, SmackDown, il a pris le tombé lors du match revanche aussi. Donc, et sinon, très déçu évidemment du rôle de Ziggler, qui était très mineur et qui en plus a pris le tombé. Donc là, quand même, c'est moche pour lui, quoi. Gus. Alors oui, non, je suis d'accord avec mes deux camarades sudistes, même s'il y en a un qui est un petit peu très éloigné vu qu'il est de l'Ouest. Mais non, honnêtement, c'était un match classique. C'était un match même plutôt basique à la WWE, comme disait Robert Nito tout à l'heure. C'est de pire en pire. Ouais, on se serait cru à Raw ou à SmackDown et c'était un petit peu regrettable, quoi. C'est dommage. Moi, j'ai pas vraiment aimé cette fin. Ça me dérange, ces fins où il y a des interventions. Bon, là, c'est un match par équipe, alors c'est pas non plus très très dramatique, mais c'est un petit peu dérangeant. Surtout qu'on sait que c'est sur Ziggler et que Ziggler, c'est un petit peu le chouchou de ce match-là avec Rollins, même si Rollins c'est un petit peu heel, mais je pense que Rollins c'est juste une... Oui, est-ce que l'horizon n'était pas un peu trop bouché pour que Rollins ait vraiment un match important à Fastlane? Oui, bah oui, oui, parce que de toute façon il y avait personne pour le caser. Contre Ambrose ça a été fait, contre Cena ça a été fait, contre Big Show c'est pareil, enfin à l'époque hein, ça a été fait aussi. Il n'avait pas grand chose à faire, il lui manquait Randy Orton qui là auront donc un affrontement à WrestleMania. Quand même assez intéressant pour Rollins, hein. Orton ça reste un grand bon catch et il va encore beaucoup de papier ce monsieur. Rubénito, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un truc en fait sur Rollins. On se rappelle quand même souvent que les gens qui ont la mallette, ils ont une petite losing streak avant parce que ils essayent en fait, la WWE essaye de faire oublier le fait qu'ils peuvent être importants, etc. dans un avenir proche. Donc souvent les gens qui ont la mallette et qui s'apprêtent à cacher pendant un ou deux mois, on n'entend plus trop parler, ils ont rien de bien concret. Voilà, il se trouve qu'il a Randy Orton pour WrestleMania qui est un gros morceau quand même. Mais je pense qu'il va avoir une petite série négative pour lui et pas que due au fait de sa quéquette. Moi, là, tu vois, par exemple, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que pour l'aider à grandir encore plus, je pense qu'il va battre Orton à WrestleMania. Voilà. Moi, je suis pas sûr du tout, mais. Ah bah on peut commencer les pronos. Qu'est-ce que vous pensez justement du rôle de Ziggler? Ziggler qui a eu cette grosse victoire au Survivor Series et dont la WWE n'a pas fait grand-chose. Bruce, par exemple. Ben c'est vrai que là on voit en plus que l'horizon est limite bouché pour lui à WrestleMania parce que la WWE est même hypée en quelque sorte un possible affrontement Ziggler contre Bryan et puis là les plans tout dernièrement ils iraient même pas du tout vers ça. Donc c'est vrai que Ziggler s'est bouché comme pas possible, je vois pas quelle connerie il a pu faire pour ça parce que il y a des fois on se dit quelle connerie il a pu faire, surtout qu'il est quand même assez irréprochable sur le ring et dans l'attitude il accroche beaucoup à le public. Mais voilà, d'un coup, c'est vrai qu'il y a ce blocage, et c'est vrai que moi, je comprends pas d'où ça peut venir, parce que franchement, c'est surtout, je pense, l'utilisation, ils savent pas trop quoi en faire. C'est vrai que déjà, Kay et Brian, ils ont du mal à gérer un peu, donc Ziggler, ils se disent, lui aussi, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je pense que là, du coup, lui, il est vraiment bouché-bouché. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de grand plan pour lui, alors que tout pourrait amener le contraire, quoi. Le public soutient Ziggler, Ziggler dans le ring, il fait souvent des performances assez énormes. Enfin, il a tout pour lui, sauf, j'ai l'impression, l'appui des officiels, quoi. Et bon, ça, malheureusement, à moins de faire un high jack row à la Daniel Bryan l'année dernière, hein, on pourra pas faire grand-chose, malheureusement, avec Ziggler. Je pense que pour lui, le mieux, ça serait un heel turn, en fait, mais pas sur Eric Rowan ou Ryback, quoi, sur Bryan ou sur Cena. Un gros heel turn sur un gros nom, je pense que c'est la chose la plus salvatrice qui pourrait lui arriver à Ziggler. D'ailleurs, on a Mehdi Soula sur YouTube qui nous dit que Ziggler est l'éternel sous-estimé. Bon, ça c'est clair et net, hein, de toute Sous-estimé, façon. je trouve pas, parce que quand même, enfin, genre à Survivor Series, il est pas du tout sous-estimé, il bat l'autorité seul. C'est pas une question de sous-estimer, c'est une question, je pense qu'ils voient pas plus loin que ce que apporte aujourd'hui Ziggler. Ils ont pas l'impression que ça puisse être un champion crédible, ils ont pas l'impression que ça puisse être la figure de la fédération, ce qui est peut-être pas faux dans l'absolu, hein. Je pense qu'il y a des Golden Boys plus importants que lui dans la tête des officiels. Mais voilà, moi je pense qu'il peut avoir une énorme carrière de mid-card ou up-card, quoi, voilà. Pour finir sur Ziggler, je pense que son problème à l'heure actuelle, c'est un petit peu son manque de charisme et un petit peu aussi le fait qu'au mix kill, il soit pas top top top non plus quoi. C'est pas le meilleur. Il est pas mauvais, attention, hein, mais il lui manque encore ce petit truc quoi. Le manque de miskill, je veux bien, par contre, le manque de charisme de Dolph Ziggler, les deux vont ensemble. Non, mais c'est quand même ensemble. Énormément amélioré, on va être honnête. Il y a mais en fait, qu'il il est avait obligé d'en faire une. Mais là, quand même, non. Il est obligé d'en faire énormément pour avoir son charisme qu'il a. Oui. Hein. Il est à lui, mais il est obligé d'en faire des tonnes quand même pour un peu à la Shawn Michaels au début de son run solo dans les années 90. Il était obligé d'en faire 3 tonnes pour s'attirer les applaudissements ou les boos du public, quoi. Et j'ai l'impression que Ziggler, c'est un peu pareil. Il est obligé d'en faire vraiment des tonnes. Parce qu'à la base, tu lui coupes ses cheveux, voilà, il a pas grand chose, quoi. Bah, c'est mon avis, hein, après. Bon, on va passer au match suivant. Tu parlais de Golden Boy, on va parler de Goldust qui a battu Stardust sur un des tombés les plus bizarres de l'histoire du catch, un tombé à 2,5, un tombé qui est arrivé au bout de 8 minutes 55 secondes de match. Gus, parle-nous de ce match fantastique. Fantastique, non mais non. Fantastique, oui, non, moi j'ai bien aimé quand même la construction du match, les deux ont quand même raconté une histoire dans le ring, j'ai trouvé, moi je me suis pas vraiment ennuyé pendant ce combat. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher, c'est le manque d'innovation, le manque on s'entendait vraiment à un affrontement un petit peu plus viril. Je pense quand même qu'ils gardent ça pour WrestleMania, j'espère qu'il y aura un affrontement à WrestleMania, parce que bon, ça semble inévitable maintenant, hein, de toute façon. Mais j'aurais quand même préféré voir un peu plus de moves, un peu plus de diversité. Voilà. Tu parlais justement d'un rematch à WrestleMania. J'ai oublié de mentionner le fait qu'après backstage, Stardust a très mal vécu la défaite, puisqu'il attaque son frangin backstage alors que son père est présent. Donc voilà, non, c'est plus son père, Cody est mort. Oui, non, mais. Voilà, on va rester hors storyline. Rubénito, est-ce que t'as pas l'impression que cette rivalité fratricide arrive un peu tard pour les deux? Ben, un petit peu, quoique Goldust est quand même capable de sortir des énormes matchs. Hein. Bon, peut-être je veux plus dire en termes de hype. Solo. Mais voilà, le problème, c'est que moi, j'attendais beaucoup ce match. J'en avais parlé un petit peu avec vous avant. Franchement, je m'attendais à peut-être que ça soit le show stealer de la soirée parce que Cody est toujours assez bon dans les personnages. Goldust, bon, c'est une valeur sûre. Ils se connaissent tellement du fait de leur lien familial que j'attendais vraiment beaucoup. Seulement, je pense qu'on leur a demandé de teaser un match plus grand à WrestleMania. Donc bon, bah, ils l'ont assez bien fait. Il y avait rien d'extraordinaire dedans, mais ouais, la façon dont le match a été tourné, c'était pas mal. Après, moi, ce que j'ai moyennement aimé, en fait, c'est Dusty Rhodes, quoi. Je trouve que, malheureusement, on le ressort une fois de temps en temps pour soutenir un de ses deux fils, et je trouve que c'est pas... Enfin, il est pas joli à voir en ce moment, malheureusement. C'est un peu con, c'est un délit de faciès que je fais, mais il a l'air malade et tout, et ça me fait un peu de peine. Ah non, il vient de faire le bypass. Ouais, j'ai perdu beaucoup de kilos, quoi. C'est... Ouais, mais non, je sais pas, il a... Ouais, je sais pas. Enfin bref, et ça me gêne un peu. Je pense qu'il va mieux comme ça. J'ai l'impression qu'on le ressort dans la rivalité parce que il y a pas assez de... Enfin, c'est pas assez intéressant en même temps, dans la tête des gens. En même temps, Donc, je trouve que c'est dommage. Je pense que ça suffit à eux-mêmes, quoi. Cody Rhodes et Dustin Rhodes, c'est quand même deux bons workers qui sont capables de faire tous les deux des très bons matchs. Il y en a plusieurs de bons matchs où les deux sont impliqués. Et je trouve que c'est dommage de foutre leur père au milieu. Enfin. Non, mais voilà. Justement, Attends, Gus, j'aimerais bien entendre Bruce Lee d'abord. Après, je te redonne la parole. Ok. Non. Non, mais c'est sûr que. C'est sûr que Dusty, c'est sûr que ça fait peut-être un peu beaucoup, mais moi ça me gêne pas particulièrement, et puis ça va être un petit peu sporadique, je pense. Bon, on sait qu'il travaille beaucoup à NXT, notamment il est assez chef d'ailleurs là-bas. Ouais, après le match, je suis forcément déçu. J'en attendais pas non plus les montagnes, mais bon, ils sont quand même deux bons catcheurs, mais ils ont pas voulu en faire beaucoup. Et puis c'est vrai que cette histoire de tomber à la fin, façon Screwjob, elle est quand même très bizarre. Je sais même pas si eux-mêmes ils l'ont maîtrisé vraiment. Donc à l'arrivée, ouais, c'est pas terrible. Mais bon, après j'ai quand même bon espoir que là on verra vraiment un vrai match à WrestleMania. Il y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà. Alors, on parle sur le chat, il y a Mehdi Y qui parle d'un cadeau de fin de carrière pour Goldust, et donc ce serait un carrière match pour WrestleMania, une fin de carrière pour Goldust. Gus, tu voulais reprendre la parole. Oui, donc je disais que donc en même temps quand tu parlais de Dusty dans la rivalité, moi ça me choque pas, au contraire, tu fais un duel fratricide, et quand tu vois un mec pas des gars comme les Rhodes, et qui est pas leur père au milieu dans tout ça, alors que c'est une légende du catch. Moi, au contraire, je trouve ça plutôt logique. Ouais, mais il le ressort trop souvent, je trouve. Ouais, non, mais bah, il l'avait ressorti au moment où t'avais Goldust et Cody qui a été viré. Il y avait il avait ressorti quand on a eu le masqué de Cody Rhodes. Donc, il s'était fait blesser par Rey Mysterio. Donc, là, il avait un peu tourné heel d'ailleurs de Dusty Rhodes. C'est rare que les légendes acceptent d'être heel, parce qu'il avait serré la main de Rey Mysterio et pour en fait le tenir pendant que Cody le frappait. Et non, voilà, je trouve que c'est un peu trop souvent, et je trouve qu'il apporte pas grand-chose. C'est une légende, on est tous d'accord, c'est un grand nom des années 70-80, sauf qu'aujourd'hui, ça parle à personne, enfin pas aux jeunes en tout cas, et il apporte rien d'extraordinaire à la rivalité. Et pour en revenir à Goldust, moi je pense que s'il avait fait l'année dernière ce match-là, enfin je pense que c'est ce qui était prévu, je veux dire dans la tête de la WWE. Ah bah on en parlait beaucoup. Ouais. Mais ils se sont rendu compte que Goldust avait quand même de belles années encore devant lui, parce que je pense que personne n'attendait à ce qu'il soit à ce niveau-là quand il revient, et le fameux match contre The Shield pour récupérer leur place. Franchement, moi je m'attendais pas à ce que Goldust à son âge soit à ce niveau-là. Merci DDP Yoga d'ailleurs. Et enfin, je sais pas. Et donc, du coup, je pense qu'ils se sont dit merde. On a quand même un super catcheur, un bon perso. Ben, on fait tirer encore, quoi. Et puis, non, moi, ça me gêne pas que ça ait tiré encore une année de plus, quoi, pour avoir la fin. Ah, le problème, c'est juste que les spectateurs sont plus forcément trop dedans. Bon, après, voilà. Est-ce qu'il l'aurait été plus l'année dernière? Non, parce qu'ils n'auraient pas eu la place à WrestleMania 30. Donc peut-être, peut-être. On va passer à la suite, messieurs, avec un match pour le titre tag team entre Tyson Kidd et Cesaro, qui était accompagné par Natalia, et les Usos, donc Jimmy et Jay, qui étaient accompagnés par Naomi. Victoire finale de Tyson Kidd et Cesaro, qui prennent donc les titres en 9 minutes 33. Brucey. Bah, je dirais logique, parce que vraiment, il y avait une montée en puissance énorme de l'équipe Cesaro Tyson Kidd, qui alignait à peu près tous les succès, tant en solo qu'en équipe. En plus, avec une rivalité presque à sens unique, parce que les Usos gagnaient vraiment pas du tout. Et puis, de l'autre côté, les Usos ont quand même pas mal baissé, je veux dire, vis-à-vis du public et tout. Bizarrement, ils ont moins eu de réactions, ce que je comprends pas trop, mais bon, voilà, c'est peut-être la lassitude, de voir peut-être qu'ils avaient pas assez d'adversité ou j'en sais rien, donc c'était peut-être ça. Et puis cette division par équipe toujours en chantier, donc à l'arrivée, ça leur faisait un règne qui malgré eux était assez moyen parce qu'ils n'avaient pas non plus eu une énorme adversité. Alors que là, dès qu'il y a la première adversité, là ça tombe. Après je suis assez déçu du public, on voit la différence quand même, parce qu'en pré-show à Philadelphie, Tyson Kidd et Cesaro, quand ils ont battu New Day, c'était la folie, alors que là, il y a que dalle. En général d'ailleurs dans ce match, je trouve dommage parce que c'était quand même un bon match, les quatre individualités sont quand même parmi les meilleurs workers qu'il y a à WWE, donc à l'arrivée ça pouvait donner que du bon. C'était bien fait l'enchaînement final, ma foi, donc voilà, pas de problème avec ça quoi. Gus. Oui, le match est vraiment bon. Je m'attendais vraiment pas, par contre, à ce que Tyson Kidd et Cesaro prennent des titres maintenant. Je pensais vraiment que les Usos, quand même tag team de l'année 2014, conservent un petit peu plus longtemps les ceintures. Mais tant mieux, parce que ça donne un peu de crédit à Cesaro et à Tyson Kidd, surtout, qui reviennent nulle part, lui, hein, par contre. Ce qui était à... Il est quand même reparti sur NXT quand il était revenu de blessure. Moi, je pensais qu'il allait y rester, personnellement, à NXT. Et là, le revoir champion par équipe, après, c'était il y a combien de temps? 4 ans 5 ans après Il y a 5 ans, NXT, Ouais, au moins. Ça fait quand même plaisir, quoi. Ça fait quand même très... Je suis très content pour Tyson Kidd. C'est un lutteur de talent. Et je voulais rebondir vite fait sur ce que disait Bruce Tee au niveau du public de Memphis. C'était le néant, quoi. C'était le néant. Même à SmackDown, il y a plus d'ambiance, quoi. À Memphis, ouais, il y a eu un public assez mauvais, on le soulignera pas assez dans ce podcast, mais ouais, tout au long de la soirée, c'était assez faiblard. Mais ils étaient peut-être pas arrivés, ils étaient sur la route de Memphis. Ça va, c'est dans le thème. On peut pas dire autrement, mais ouais. Bon, allez, ou Benito, ce blagueur, voilà, le gars des malais de Ressage Radio, vas-y, c'est à toi. Je reste d'une banque. Oui, non, bah en fait, ouais, le match est vraiment bon. Franchement, j'adore les Usos. Enfin, je sais pas, je trouve que quand en plus ils défendent leur titre, ils apportent une intensité qu'ils apportent pas dans les weekly, en fait. Et c'est assez rare, les gens qui arrivent à monter de gamme, même si le match est pas forcément meilleur que ce qu'on aurait pu voir à Raw ou à SmackDown dans l'absolu, techniquement, je trouve qu'ils apportent une intensité dans les pay-per-view que, enfin, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de teams qui font ça. Et puis bon, je suis content quand même de la prise de titre de Cesaro, qui enfin a son push d'après la bataille royale d'André le Géant l'année dernière. Il aura mis presque un an. Non, mais voilà, enfin, Cesaro... Ce que j'aime bien, c'est que Cesaro et Kidd, c'est quand même une team basée très catch. Et donc du coup, ça va bien. Ça me va bien, parce que bon, ouais, c'est sympa de voir des persos. C'était sympa de voir la Wyatt Family, tout ça. Franchement, j'adore ça. Sauf qu'ils sont moins catch, enfin moins axés ring et in-ring que Cesaro et Kidd. Et donc du coup ça me va bien. Après Kidd, enfin tout à l'heure tu parlais de charisme, bon Kidd, enfin faudrait qu'il aille un peu en acheter à Ziggler, quoi, parce que ça lui manque vraiment cruellement. Le charisme de Tyson Kidd, malheureusement, c'est Natalya, et ça peut pas le mener bien loin à part en tag team comme ça. Et voilà, sinon le match en lui-même, franchement, c'est pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. On a sur le chat Greg qui dit que Cesaro et Kidd forment une belle équipe avec une bonne alchimie. Il y a Seb qui est là, qui a trouvé une tablette pour pouvoir écouter l'émission. Voilà, il a perdu son ordinateur, hein, qu'il repose en paix. Voilà, et il y a Mehdi qui voudrait Cesaro et Hiro, donc les King of Mountains. Je sais plus. Oui, les King of Wrestling, voilà, c'est ça. Oui, pardon, je sais pas pourquoi je les ai appelés King of Mountains. Voilà. Bref. Mais ils ont déjà catché dans la montagne à cheval. Ouais, oui, mais évidemment. C'est foutu, ça sent que Hiro s'est barré de la douche. Ben, en fait, surtout, le problème de Hiro, c'est qu'il aime trop la bouffe, pour l'avoir vu à l'ICWA, Non, mais il était pas prêt à la rigueur qu'il faut et tout, donc. Voilà. Et, en fait, il a un bide trop exigeant pour le cas du WWE. Et on dit bonjour à Niki qui vient d'arriver sur le chat. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce match. En tout cas, Niki sur le chat ? Non, pas celle-là. Ah. Tu te calmes. on va le tenir. On va, avant de parler justement de Nikki, Nikki la catcheuse, on va faire un petit détour segmenté, puisque c'est la spécialité de ces pay-per-view gratuits, c'est d'avoir un peu des promos micro, et cette fois-ci, bon, c'est une qui était plus attendue, hein, qui a été quand même pas mal mise en avant, c'est le face-à-face entre Triple H et Sting. Triple H est arrivé sur le ring... c'est pas grave, hein, tu t'inquiète pas, tu ne parleras pas. Donc Triple H qui est arrivé en disant qu'il s'excusait d'avoir poussé par exemple Ric Flair, mais que cela n'enlevait rien, que voilà, il avait une grande carrière, tout ça, et que Sting, si jamais il continue à le défier, ça va très mal se passer, et que sa carrière de Sting, tout le monde allait l'oublier, et on allait oublier son héritage. Donc Sting arrive. N'accepte pas la proposition de Triple H d'avoir un peu des recettes sur les goodies, tout ça, etc. Et le défi, Triple H l'attaque. Triple H va chercher le sledgehammer et en revenant, il tombe sur la batte de baseball de Sting. Donc une petite opposition d'armes assez sympathique. Et finalement, Sting qui place son finisher, mais qui n'a toujours pas dit un mot, sauf il a juste pointé du doigt le logo de WrestleMania. Et d'ailleurs, le match a été officialisé. D'ailleurs, Sting contre Triple H à WrestleMania s'est acté. Et c'est déjà énorme. Un match. Voilà, c'est un match qui vraiment va mettre de la hype au pay-per-view. Non, non, mais moi, je les connais, je l'ai vu, hein, Pierre. Ah, bah, vas-y, parle-nous-en. Faut pas exagérer. Non, non, en fait, j'ai adoré le segment parce que ça m'a rappelé quand même Sting contre la NWO, puisqu'il parlait jamais et c'est sa batte de baseball qui parlait pour lui. Donc, ça m'allait très bien. Il est assez bon d'ailleurs au micro, Sting, mais je trouve que pour le coup là, le charisme, enfin, il y en a beaucoup qui ont des cours à prendre de charisme avec Sting, qui sans parler, juste en étant là, amène une présence incroyable et un match qu'on a envie de voir, quoi, alors que c'est des mecs qui ont plus de 40 ans. Il y a plus de 50 ans même, ouais, c'est 55 ans je crois. Je parlais pour Triple H, c'est des mecs qui ont tous les deux, ils sont assez âgés, c'est des gros vétérans et on rêve de voir ce match, quoi, c'est incroyable. Le mec, il est venu deux fois et on rêve de le voir enfin dans le ring. Après, moi, ça me dérange pas s'il parle pas jusqu'à WrestleMania. Ça me dérange pas, c'est dans son perso. The Crow parle pas quand il va sauver des gens dans les films. Et il a une gimmick de The Crow, donc ça, franchement, ça me va bien. Après, je sais pas quel match on va avoir. Si c'est un match avec les armes ou pas. À mon avis, oui, parce que s'ils ont mis en avant le segment, je pense qu'il va y avoir un genre de ladder match. Non, ce sera Nolsbard. Ou un truc comme ça, oui. Ils vont mettre en avant le fait qu'ils ont chacun leur arme favorite, probablement. Ce sera Nolsbard, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Tu as contacté Booker ce matin. Mais c'est obligé que ce sera Nolsbard. À chaque fois qu'il y a Triple H dans un match de pay-per-view, c'est Nolsbard. No Holds Barred, ou bien sinon tout simplement No Disqualification, hein, de toute façon c'est la même chose, Street Fight, allons-y gaiement. Bruce Lee, qui n'a toujours pas parlé Mais surtout que Street Fight, c'est vrai que ça pourrait être indiqué, parce que mine de rien, Triple H, il s'est quand même pointé comme s'il avait disputé un Street Fight. Et donc, c'est vrai qu'on était très loin du costard auquel il nous a habitué. Ça fait plaisir quand même de le voir débarquer comme ça. C'est le grand retour du Triple H 2009 qui massacre tout le monde en babyface, sauf que là, il est heel. Bref, voilà. C'est vrai que là, il est quand même assez, c'est bien, là, de le revoir un peu badass comme ça, un peu à l'occasion, donc, ouais, non, et puis c'est vrai que il y a quand même énormément de présence. Le segment en lui-même, le contenu n'est pas fantasmagorique, mais alors ça fait un grand segment, rien que parce que les deux, ils ont vraiment une tonne de charisme, et qu'avec rien, ils peuvent faire beaucoup et à peu près tout. Donc ce qui fait que ce sera le match que j'attendrai le plus à WrestleMania, ça c'est garanti. Et il y a quand même un détail, c'est que vraiment, l'angle qui est utilisé, c'est vraiment la bagarre. Triple H se souvient qu'il avait un petit peu contribué beaucoup à couler la WCW à l'époque. Et donc là, c'est le retour un petit peu à chaque fois. C'est toujours évoqué là, voilà, le retour de l'icône et tout ça là, qui revient enfin, qui ose mettre les pieds à la WWE. Au passage, ils oublient complètement son passage à TNA. Donc et apparemment, il n'y a pas de problème. Quoi, mais ça, il n'y a pas que ça. Elle a quoi? La c'est quoi, quoi la Donc non, mais il y a pas de problème avec ça après tout, ouais. Donc voilà, c'est vrai que à partir de là, c'est-à-dire qu'ils ont pas racheté la TNA. Ils ont pas racheté la TNA, ils ont pas les droits sur les images, donc c'est pour ça. Ils voient pas l'intérêt de mentionner la TNA hein, niveau voilà. Commercial, ça alors sert que à rien. La TNA, elle a besoin de mentionner beaucoup, je trouve, ces temps-ci la WWE, autant la WWE pas du tout, et puis il y a pas de problème avec ça, ouais. Bah c'est normal, ça marche toujours comme ça. On va passer à la suite. Nikki Bella, qui est donc championne des divas. Le filet de bain. Gus, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Nikki Bella, donc, qui était accompagnée par sa sœur, a battu Paige sur un roll-up en 5 minutes 34. Same old shit, comme diraient certains. Rou Benito, toi qui voulais parler, parle sur les divas. Ah, ben ouais, super, merci. Quel cadeau. Non, franchement, c'est des purges, ces matchs, quoi, mais c'est un truc de fou. Ne faites pas de combat diva si c'est pour faire ça. Faites un vrai combat avec... J'ai arrêté de les appeler diva. C'est des catcheuses. C'est des women championship, comme a dit Liliane Garcia, puisqu'elle a bien botché le fait que... Enfin, elle a botché l'annonce en disant que Nikki était women championship et, not... et non... Ouais, mais c'est non, non. Ah, elle a d'ailleurs, dans la soirée. Juste un truc, Liliane Garcia, c'était du haut niveau ce soir-là encore. Hein. Ouais, elle a fait plusieurs matchs dans la soirée. Elle a dit que Cesaro et Kid étaient toujours champions par équipe alors qu'ils venaient de l'être. Enfin, toujours voilà. Les news. C'est du Liliane Garcia. C'est génial, voilà. Ça. Mais bref, et donc du coup, non, le match en lui-même, foi, Paige, j'en ai déjà marre de la voir. C'est con à dire, mais peut-être que c'est la meilleure dans le ring à la WWE. Mais du coup, elle fait tâche. C'est un peu paradoxal, mais du coup, elle fait tâche, quoi. Voilà, là, mais je sais pas, j'ai pas grand chose à dire du match en lui-même, puisqu'il s'est pas passé grand chose. Mais bon, Nikki en championne, à la limite, elle est un peu crédible de par son gabarit, de par le fait qu'il y ait Brie qui l'aide, donc du coup, ça apporte une crédibilité. Et Paige, malheureusement, t'as l'impression qu'elle fait pas le poids face aux jumelles, quoi. T'as l'impression que, enfin là, elle a un statut. C'est un début de rivalité aussi, hein. Ouais, c'est le début, mais t'as l'impression qu'elle. Je sais pas, qu'elle fait pas le poids, quoi. T'as l'impression que si Brie, elle tourne pas, je te trouve très sévère. Ouais, donc, peut-être vraiment très, très sévère. Faut pas surtout oublier. Pour après, des j'ai divas, jamais quoi. Accroché avec Paige, c'est comme ça. Après, ouais, bah après, Paige. Des fois, t'as des superstars avec lesquels t'accroches. Et des fois, t'as des mecs moins bons avec lesquels t'es fan. Et puis, t'as des, genre, Gus, il est fan de Ted DiBiase, quoi. Voilà. tu vois, des fois, t'es fan, tu sais pas pourquoi. C'est pas forcément c'est pas forcément un gage de qualité, hein, de dire que mais Paige, j'accroche pas ni son perso et ni sa façon de catcher, je sais pas pourquoi. On va aborder tout de suite un sujet au lieu de parler du match qui, je pense, on est tous d'accord pour dire qu'il était mauvais. Un petit truc, moi aussi. Disait Ruben, faut pas oublier quand même que dans ce que tu dis, il y a pas que du faux, hein. Mais faut pas oublier surtout que je pense que la WWE aussi joue sur le fait que Paige n'a que 22 ans et que donc du coup ça va lui porter de l'expérience pour plus tard. Et c'est là que ça risque de devenir intéressant, quoi. C'est la plus jeune diva, la plus jeune champion. Diva Champion de l'histoire quand même, Paige. Brucey, avant qu'on parle d'un sujet un peu plus profond, quoi. Oh, yeah. oui. Sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est dégueulasse. Franchement, c'est plus intéressant, on va dire. Nikki Bella contre Paige, je trouve que ça plafonne un petit peu, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de match 10 fois, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'ils attendent l'après WrestleMania et l'arrivée des nouvelles divas, vraiment Charlotte, Sasha Banks. Mais bon, après ça c'était pas certain vu l'Euro du lendemain où il y a eu un match très rapide entre Emma Page et les sœurs Bella. Et en réaction, en fait, sur Twitter, on s'est un peu pété un câble. Et il y a eu le hashtag Give Divas a Chance qui a été lancé, qui a été très suivi. Et la WWE qui a dû prendre note, surtout que AJ Lee a réagi en attaquant un petit peu direct, un peu frontalement ses employeurs en disant justement que le salaire n'était pas égal, que le temps de parole n'était pas égal. Paige a fait les mêmes remarques, Charlotte a fait les mêmes remarques. Sur le chat, vous êtes totalement d'accord sur ça, parce que je vois Mehdi qui dit Paige contre Charlotte, contre Edgely avec 12 minutes de match, c'est bon, ce sera fait. Nikki s'énerve du terme diva, et puis ben Seb qui dit tout simplement, si vous voulez voir des matchs entre femmes, regardez NXT, et ça on sera jamais assez d'accord pour le rappeler. Ce que j'ai dit n'est pas français, mais c'est pas grave. Rou Benito. Oui, mais alors moi je jette un pavé dans la mare, comme diraient les gens d'une génération qui est la mienne, en disant, est-ce que d'un côté, on n'est pas un peu paradoxal dans ce qu'on dit. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir des matchs d'une demi-heure entre deux femmes? Ou est-ce qu'on regarde le catch pour regarder des hommes en slip se battre? Je sais pas. Franchement, c'est une question que je me pose. Quand j'ai vu ce hashtag et tout, je me suis dit, mais merde, est-ce que à WrestleMania, j'ai vraiment envie de voir même de deux super catcheuses face à face? Franchement, je suis pas sûr. Alors, je vais peut-être me faire incendier en disant que je suis macho ou quoi ou qu'est-ce, je sais pas. Hein. C'est pas, oui, c'est pas du machisme, c'est une envie, voilà. On regarde les choses pour une certaine envie. De la même manière, je vais faire un comparatif au tennis, parce qu'au tennis, elles ont la même paye que les hommes. On est d'accord. Au tennis, à Roland-Garros, la gagnante de Roland-Garros, elle gagne la même somme que Nadal, parce qu'on va pas dire. C'est récent. C'est très récent. Oui, mais sauf que la gagnante de Roland-Garros, elle passe en général 45% de moins de temps sur le court que le gagnant de Roland-Garros. Mais ça, c'est parce que c'est dans les règles et non, les tennis. Non, mais je suis d'accord. Mais les tennis women sont. Du moment où tu apparais moins à l'écran, forcément, t'as une paye qui est. Enfin, quand tu fais moins d'heures de travail, t'es moins payé que celui qui en fait plus. Mais justement, attends, excuse-moi Gus, laisse-moi parler, je te donne la parole après. Alors, tout simplement, les tennis women réclament les matchs en 3-7. Pareil, les divas réclament plus de temps à l'antenne. C'est toujours comme physiquement ne tiendront pas. C'est pas du machisme que de dire que physiquement un garçon et une fille, à part dans certaines exceptions, sont pas faits pareil. Est-ce que t'as laissé le, est-ce que y a jamais la chance qui a été laissée aux femmes de le prouver? Après, voilà, quoi, ça change. On a eu quand même dans le passé des énormes catcheuses, l'époque Trish Status, etc. Non, mais moi, ça me faisait pas kiffer de voir ces matchs-là. C'est un choix personnel, je suis d'accord, je te l'accorde, c'est complètement con, mais voilà, c'est mon avis. Alors maintenant, laissez-moi finir. À NXT, on a eu la preuve que si jamais on leur donnait du temps d'antenne, une bonne exposition avec une rivalité qui tient la route, l'exemple phare, c'est tout simplement le Charlotte versus Natalia, où ouais, il y avait quand même Bret Hart et Ric Flair qui étaient là en soutien. Il y avait eu une montée à partir des deux familles dont elles proviennent, donc les Flair contre les Hart, et oui, le match était excellent. Et 15 minutes, et je suis désolé, la foule était avec, et je pense que voilà, il suffit de vraiment faire les choses sérieusement. Et oui, il faut donner les choses, quoi. C'est tout. Il faut donner une chance. La NXT, elle achète ce que tu lui donnes parce que c'est de qualité. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'ils proposent dans le ring, c'est de qualité. Les femmes à NXT, à la WWE, il y en a aussi. Et Jilly, elle a quand même proposé des matchs assez sympas contre Caitlyn. Ouais. Sauf que, est-ce que, je pose la question, je demande à Bruce T, par exemple, est-ce que t'as envie de voir un Edgy Lee contre Charlotte à WrestleMania de 25 minutes? Bruce T. Ben, là, j'aurais tendance à être d'accord avec Rubenito, parce que c'est vrai que je suis un peu macho sur les bords, certes, mais. 25 quand même, minutes, vous exagérez, hein, c'est même, 15 même minutes, si, c'est, voilà. c'est suffisant, 15 ouais. minutes. Non, voilà, 15 minutes, c'est ce qui se passe à NXT. Quand elles sont plusieurs, ça fait 20 minutes et c'est parfait, il y a rien à dire. Mais c'est vrai que c'est très dur de développer un personnage et d'être marquante dans l'état actuel des choses, ça c'est sûr. Et puis, à part Trish Stratus, voilà, il y a vraiment aucune féminine dans l'histoire qui a eu Lita, bien sûr, qui a eu, voilà, c'est vrai, de la même période, qui ont vraiment eu un rayonnement comme pas possible, voilà. Qui a attiré les réactions des foules. Là, vraiment, c'était l'âge d'or et elle pouvait disputer des matchs, d'ailleurs, relativement longs, un peu, déjà, c'était à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a une régression ces dernières années. On était plus dans la bimbo, je dirais, dans le physique. C'était beaucoup plus ça qui était privilégié, même si à l'époque, c'était vraiment pas des tons. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais, ouais, non, après, je me rappelle qu'on a quand même eu la série des AJ contre Page. On se faisait une montagne. Moi, le premier, j'étais tout heureux, à me dire, ouais, ça va être génial et tout. Et à l'arrivée, merde. Alors qu'elles ont eu des. Elles ont jamais eu le temps. Elles ont eu 5 minutes maximum, arrête un peu, 5 minutes, tu fais rien, 5 ou 7 minutes. Non, elles ont eu un match de 10, pas loin de 10 minutes. Mais non, arrête, non, mais non, c'était non, sur. Non, tu confonds. Tu confonds parce que quand c'était AJ Lee contre Paige, t'avais eu Stephanie McMahon contre Brie Bella qui avait duré 10 minutes et le AJ Lee contre Paige, lui, avait duré 5 minutes. Non, ils ont pas donné la chance à ces catcheuses-là de s'exprimer ensemble, c'est tout. C'est des franchement, je vois pas du tout. Il y en a eu des longs. Ouais, des 10 minutes. Et justement, il y avait eu une progression ce niveau-là. On avait souligné d'ailleurs à l'époque, si on retrouve les podcasts, c'est très simple. On avait souligné le fait que le match était bon parce que ben il y avait eu plus de temps. Pierre, dans l'absolu, t'as vraiment envie de voir des matchs de diva hyper longs Tant que c'est bien mis en place, oui. Ben écoute, moi, un Charlotte, Sasha Banks, franchement, moi, oui, j'achète. Un Paige HGD, j'achète. Moi, je suis désolé, oui. Moi ça me dérange. Je suis d'accord avec Pierre dans l'histoire, hein, parce que on parle de parité en ce moment de partout. Alors, il faut qu'il y ait de la parité même dans le catch, quoi. Attends, comme l'a dit Pierre, un Charlotte contre Paige, mais de suite, je signe pour un match de 15 minutes, quoi. Même à WrestleMania, mais putain, c'est énorme. C'est des divas qui ont du talent. Sasha Banks, pareil. La génération qui arrive ont du talent. Les Bella Twins se sont quand même beaucoup améliorés. Ça, on l'a déjà dit plein de fois, mais il faut le redire. Bah, attends, je suis désolé, Nikki aussi s'est amélioré. C'était le néant il y a 5 ans, Nikki Bella, je te rappelle, hein, lors de leur premier run. C'était le néant, il y avait que dalle, quoi. Ouais, mais enfin, il y avait que dalle. Tout ça, parce que quand tu vois, regarde le niveau de Summer Rae aujourd'hui dans le ring, par exemple. Alors qu'à NXT, elle était pas portée au nu, j'exagère. Mais genre, c'était le futur de la division tag team. Et dans le ring, elle est ridicule, Summer Rae. C'est pas parce que tu réussis à NXT que tu vas réussir dans le roster principal. C'est ce que je dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Là, tu confonds les débats. Je mélange le débat, là, parce que ça peut marcher très bien. Regarde, Baudelaire. On va se calmer. On parle les débats. Non, mais je pense juste que... Je pense juste que la WWE se tire pas une balle dans le pied. S'ils avaient le potentiel commercial de faire des matchs de 12, 15, 18, 23 minutes, ils le feraient. Et je pense que le public aujourd'hui n'est pas là pour ça. Ils ont pas envie de voir ça. Le hashtag prouve le contraire. Ça veut rien dire. C'est le hashtag, c'est des fans qui le lancent. C'est quoi pour toi la vie des fans? C'est de la merde? Non, mais pas du tout. Le hashtag, ça veut tout dire et rien dire. On va calmer. Alors, le hashtag, très simplement, c'est peut-être des fans plus smart. Ça, c'est clair et net. Sûr que le fan lambda, peut-être, n'achète pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, bon, mis à part sur ce podcast ce soir, qu'il y a vraiment une unanimité sur le fait que, ouais, si, faudrait donner plus de temps, quoi. Faudrait tenter le coup. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. On a donné tous les arguments chacun de notre côté. Je vais vous indiquer un article de notre partenaire Voxcatch qui a fait un article justement sur les divas et leur situation à WWE. C'est assez intéressant. Allez le voir, franchement, ça vaut la petite lecture. Après, c'est un débat de toute façon qu'on aura encore. Hein. C'est un débat sans fin. On l'a à peu près à chaque pay-per-view. Je vous propose de passer à la suite parce que bon, on va pas faire le débat seulement sur les divas. Il y a eu d'autres choses quand même. Même si le prochain match n'est pas forcément très intéressant, vu que c'est Bad News Barrett qui bat Dean Ambrose par disqualification en 7 minutes 58. L'arbitre a arrêté le match parce que Dean Ambrose ne voulait pas arrêter de taper sur ce cher Bad News Barrett qui ne cessait de fuir ce cher Dean Ambrose. Gus, à toi. Oui, bon, le match, c'est un match basique, hein, entre les deux. Ouais, encore un match qui se finit par une disqualification d'Ambrose, ça commence à faire un peu beaucoup. Je pense que ils ont peur de décrédibiliser, soit ils ont peur de décrédibiliser le personnage en le faisant perdre cleanement, soit je sais pas trop où ils veulent en venir dans ce débat. Pour Ambrose, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Honnêtement. Honnêtement, je sais pas du tout, quoi. C'est regrettable parce que je sais pas du tout ce qu'ils veulent faire. Justement, si moi je sais ce qu'ils veulent en faire, et puis ça va être un peu du bouche-trou en quelque sorte, parce que là on est pas sur le front way carrément. Ouais, mais c'est abusé. Non, pas sur front way. Voilà. Donc avec Bad News Barrett contre Dean Ambrose contre Daniel Bryan contre R-Truth. Voilà. Je m'en fous de R-Truth là-dedans, quoi. Oui, alors, Rubenito qui dit lol Stéphane, c'est Seb qui est sur, enfin c'est pas son... le frangin de Seb, non c'est Seb qui est... en fait il a pris le compte YouTube. Moi oui, je parlais sur le chat parce qu'on pensait que on était en train de se clasher, mais il faut quand même qu'on dise que nous sommes qu'amour et nous oui. sommes tous, on s'aime tous les uns les autres à part Gus. À la fin tout le monde se, oui voilà, à la fin tout le monde se fait des bisous, sauf à Gus. Donc personne ne fait de bisous, moi. Voilà. C'est une question d'hygiène. Je vais vous dire pourquoi personne ne me fait de bisous, parce que je pue de la gueule, il paraît. Mais ça, c'est un autre débat. On est très content d'avoir ça. Est-ce que quelqu'un a envie de continuer de parler de ce match? Moi, oui, juste, alors, sur le match. Très intéressant. Comme c'est vrai que j'ai juste parlé du futur, mais le match, il est un poil décevant, un peu beaucoup décevant, en fait, parce que c'est vrai que Barrett était quand même dans le rôle du heel champion fuyard. qui se barrait même à la ceinture et tout. Donc la solution c'était la disqualification. Ce que je pensais déjà par avance, parce que Ambrose, il a quand même des stats qui sont absolument catastrophiques en pay-per-view, le pauvre. Donc soit il perd, soit c'est de la disqualification à chaque fois. Donc voilà, on a une chance sur deux à chaque fois. Donc et là c'est le cas de figure. Et puis comme je le vois quand même peut-être à terme champion intercontinental, peut-être à WrestleMania. Qui sait, ben du coup, ouais, je me disais qu'il allait pas perdre normalement et qu'il aurait même l'avantage. Mais alors là, le match était mal construit et entièrement Dean Ambrose qui était plutôt bon, mais Barrett très absent et c'était dommage. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai rien dit, mais je voulais juste dire un petit truc sur Ambrose, pas forcément sur le match. Broussi a bien résumé le match. Alors Ambrose, moi, je trouve que tout le monde accroche, le public, même moi, pour vous dire. Non, tout le monde accroche avec ce mec-là. Sauf que j'ai l'impression qu'ils vont passer quand même pour un teubé, quoi. Il perd ses matchs comme un couillon. Il perd contre Wyatt en débranchant un écran en voulant le frapper avec. Il perd là parce qu'il est dans un coin et il veut pas arrêter aux 5 secondes. C'est bon, quoi. Non, mais c'est son personnage qui fait ça. Oui, ouais, mais son personnage. En fait, il s'en fout, lui, de perdre ou gagner. Ou ce qu'il veut, c'est de détruire à la limite son adversaire. Mais Stone Cold était comme ça et c'est pas pour ça qu'il perdait tous ses matchs. Sauf que son but, c'était de gagner le titre, puisque ça fait 3 semaines qu'il nous gonfle avec ça. et du coup, là, non, franchement, c'est dommage. C'est incontrôlable. Non, pas forcément. Je suis d'accord avec Rubénito, je pense que c'est un booking qui a ses limites. Oui, je suis d'accord, mais bon, après. Il peut être incontrôlable et jouer le mind game et être intéressant. Non, parce qu'ils sont encore en train de travailler. Parce qu'il est fort là-dedans. Ambrose dans le mind game, dans le je viens m'introduire au moment où tu attends pas, etc. Il est très fort là-dedans. Même pas que l'époque de la WWE d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder des matchs de John Moxley ou des promos, il a toujours été très fort là-dedans, même dans The Shield il était fort. Donc du coup le faire passer pour un teubé qui rate ses chances par erreur de lui-même, je trouve que c'est assez limite comme dit Pierre, quoi. Alors, on va passer à la suite. C'est en fait un cercueil qui arrive sur le thème de The Undertaker. Donc peut-être un retour, machin, tout ça, etc. Il y a les prêtres qui arrivent, enfin tout le cérémonial habituel. On accompagne donc le cercueil jusqu'aux abords du ring. Sauf que dans ce cercueil, ce n'est pas The Undertaker, mais c'est Bray Wyatt. Ouais. Bray Wyatt qui fait certainement la promo de la soirée en disant très simplement que l'Undertaker, en perdant, est en train de naviguer entre le royaume des hommes et le royaume des immortels, et que Bray Wyatt va tout simplement aller chercher son âme à WrestleMania. Je résume vraiment comme ça, mais la promo vaut vraiment le détour. Gus, tiens, vas-y. J'ai entendu le dong, j'étais surexcité, je me suis dit mais non, et après j'étais dégoûté parce que je pensais je m'attendais à voir le Taker et je vois Wyatt dans le cercueil, donc du coup c'est un petit peu con, mais le segment était vraiment très bon et bien amené. Bon, le Taker maintenant on sait très bien que il reviendra pas avant le jour J, hein. Ça on peut en être sûr, je pense. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le segment, c'est juste un segment de 2 minutes, donc Benito. Moi, honnêtement, quand j'ai vu les druides arriver, j'ai dit non, mais c'est pas le Taker, je suis sûr que c'est Wyatt, mais j'étais sûr à 4000%. J'ai pas du tout marché dans le truc, mais ça m'a pas empêché de trouver, la promo, c'est du bonbon à la crème, quoi. Si vous aimez si vous aimez la crème, si vous aimez le roquefort, vous allez vous régaler. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Merci, c'est génial, dis donc, ce soir. Ou Benito, il est en forme. Oui, donc voilà, et puis il y aura forcément un match à WrestleMania. Bon, on en reparlera parce que bon, c'est un match qui risque d'avoir ses petits débats, notamment sur la personne de l'Undertaker en lui-même. Mais voilà, on va passer surtout à la suite parce que c'est plutôt un débat pour WrestleMania. La suite, c'est pas n'importe quel match, c'est quand même Rusev contre John Cena pour le titre des États-Unis, avec Rusev qui bat John Cena par soumission, c'est à signaler. Voilà. Juste avant, il lui fout un bon gros coup de pied dans la face, après lui avoir foutu un autre gros coup de pied dans les parties intimes. Et donc, il gagne par soumission en 18 minutes 42, Cena était KO. Voilà. Bruce Lee, qui n'a pas beaucoup commencé ce soir. Ah non, mais faut bien commenter efficacement. Plus que moi. Quantité, des fois, ça dépend. Ouais, non, mais franchement, ce match, il est bon. C'est le deuxième match du pay-per-view pour moi. Ça tombe bien parce qu'ils vont dans l'ordre à peu près de la qualité. J'irai au fur et à mesure du pay-per-view. Et vraiment, c'est un des tout meilleurs matchs, le Rousseff. Peut-être le meilleur, quoique... Son tank match, quand il a pris le titre US contre Sheamus, il était quand même aussi pas mal. Mais bon, faut l'avoir vu. Donc c'est vrai que là, dans ce cas-là, contre Cena, ma foi, c'est vrai qu'on critique assez souvent Cena des fois par rapport au fait que les matchs ils sont pas toujours énormes, mais mine de rien, il apporte de la vie souvent au match. Il apporte souvent le meilleur de l'adversaire, et là c'est le cas, je dirais, de Rousseff. Et puis ça a donné vraiment un match assez excitant, où franchement, je me suis demandé longtemps comment ça pouvait se terminer. Après, c'est vrai, ça termine d'une façon assez classique, je dirais, par rapport à ce qu'on a déjà vu et ce qu'on peut penser, avec Cena qui allait pas abandonner, ça c'est sûr. Donc, du coup, voilà, et puis que ça allait jusqu'à WrestleMania, ça s'était écrit depuis facilement 6 mois. Donc, du coup, non, vraiment, c'était un régal, c'était 15 super minutes, donc voilà, il y a rien à dire. Et puis ça rend Rousseff quand même assez fort. Ou Benito, est-ce que tu es d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord, et pour moi, c'est... À ma plus grande surprise, le match de la soirée, j'ai préféré ça au main event. Je trouve que Cena a justement joué avec son image de mec qui abandonne jamais, de mec hyper fort, etc. Et Rousseff, j'avais peur pour lui qu'il se fasse bouffer par on va dire l'ogre de l'aura de Cena, en plus pro américain face au pro russe. Et en fait, Rousseff a très très bien paru dans ce match. Bon, la fin est cheap, mais il fallait bien apporter un truc pour WrestleMania, donc un coup dans les parties, ouais. Enfin, ça aurait pu être mieux. J'aurais préféré un coup de chaise dans la tronche ou dans le dos pendant que Lana distrayait l'arbitre, ou un coup de quelque chose, de drapeau, de médaille, peu importe, qu'un coup dans les parties. Je trouvais que c'était pas trop, ça collait pas trop avec le reste du match parce que c'est quand même une bagarre de bonhomme, et le coup dans les parties, c'était dommage, ça va pas trop à Rousseff. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé l'intensité. Enfin, après, lui met un bon gros coup dans la tête. Non, mais derrière, ça, je suis d'accord. Ça fait très bonhomme, ouais. Derrière. Non, ça, je suis d'accord, mais tu vois, ça aurait pu très bien y être un coup de médaille dans la tête et le coup de pied ensuite, tu vois. D'accord. Je trouve que le coup dans les parties, ça va pas au perso qu'on nous fait, enfin, le perso de Rousseff depuis qu'il est là, de la façon dont on nous le montre, quoi. Et donc le match en lui-même est vraiment bon, les enchaînements de prises sont bons, Cena quand il faut il est bon, et je m'attendais justement comme Rousseff, je sais pas s'il est bon, s'il est pas bon, franchement j'ai du mal à me faire une opinion sur ce mec-là, et je m'attendais justement au pire, et pour moi j'ai eu le meilleur, donc j'étais assez satisfait du match. Gus, est-ce que tu penses que Rousseff va forcément perdre à WrestleMania? Honnêtement, j'en sais rien. Qu'il perde le plus tôt possible, en fait, ce gars-là, parce que il m'intéresse pas. Oula. Ouais. Donc, à la limite, s'il peut perdre avant WrestleMania, ça me dérangerait même pas, mais le mec, alors ça fait un an qu'on te met invincible, mais par contre, tu vas perdre au dernier row juste avant WrestleMania. Juste pour te faire chier, en fait, tu vois. On va te ruiner toute ta hype. Non, mais non, je sais pas. Gus Booker à la WWE. Non, c'est ça. Ah non, franchement, le personnage par choix, il est crédible quand même. Enfin, arrête tes conneries, non, il est pas crédible, le personnage. Eh oh, tu te calmes. Ça va, j'anime le débat. Oh non, très tranquille, le débat. Parlant d'animation de débat, on a un message sur Twitter de StrongStylePire13 qui dit: bon débat sur Fastlane, j'adore, continuer les gars. Donc c'est cool vos réactions, franchement ça nous pousse à continuer. Franchement, là ça fait, enfin le Royal Rumble c'était pareil, là on a beaucoup de réactions sur YouTube, continuez, c'est très cool. Enfin franchement on aime bien, ça fout de la bonne ambiance tout ça et ça encourage. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Plus continue, alors que tu n'aimes pas Rousseff. Voilà, NXT, compris. Tu vois, NXT, je kiffais Rousseff, je le trouvais bon, il m'impressionnait même, mais je trouve que c'est toujours pareil en fait, dans ces matchs, c'est de la surdomination. Bon là c'était un peu moins dominatif quand même parce que t'as Cena en face quand même. Cette intervention, moi, ces interventions dans les matchs, ça commence sérieusement à me les casser. Surtout dans les pay-per-view, quoi. Je pense pas que Rousseff avait besoin de l'intervention de Lana pour battre Cena, quoi. Tu pouvais... Ça reste Cena quand même. Mais si, mais bien sûr, oui, que si, il en a non. besoin. Bah bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Bah bien sûr que non. Tu peux, crois que Cena, tu peux tourner. Mais tu peux tourner la défaite de Cena d'une autre façon, quoi. T'es pas obligé de lui foutre un coup de pied dans les couilles et battre Cena clean, le dernier qui l'a fait, c'est Brock Lesnar. Batina clean. C'est Brock Lesnar qui l'a fait en défonçant. Les deux si dernières fois, c'est Bryan et Lesnar, quoi. Ouais, et mais si j'aurais vraiment, mais non, mais j'aurais préféré. Attends, Gus. Si tu mets Rousseff dans la même position que Lesnar, ça le met beaucoup trop fort. But you gotta make Roman look really strong. Il y a une différence entre la position de Monster Hill actuelle et la position de Brock Lesnar. Enfin voilà, là c'est beaucoup trop fort. Non, mais moi je me suis, non, mais moi ça me dérange, moi de toute façon, c'est toutes ces interventions, hein. Je l'ai dit sur Twitter, sur le compte de Rexas Radio, pendant pay-per-view. Ces interventions à tout va, moi ça me dérange et ça me, c'est vraiment, c'est vraiment important pour moi dans mes notes de match, dans les qualités du match, ça joue vraiment énormément. Et je trouve ça un peu dommage de tourner la défaite de Cena, qui est quand même impressionnante, hein, parce que Cena qui est soumis mais qui abandonne pas, ça quand même, on l'oublie pas, il a pas abandonné, il a juste perdu par soumission suite à l'arrêt de l'arbitre. Ça, c'est quand même énorme. Et c'est quand même quelque chose de dommageable, je trouve. J'ai pas de toute façon, le jour où John Cena tape, il arrête sa carrière. Hein. Oui, mais on n'a pas dit qu'il allait taper. Mais déjà, rien que avec le fait de voir Cena perdre sur soumission, c'est énorme quand même. Hein. C'est beaucoup. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? Ben, en fait, finalement, ça donne envie de regarder le match de WrestleMania parce que ça va monter en intensité. Voilà. Et déjà que le match là est bon. En fait, moi, j'avais peur que le match là soit mauvais et que du coup, ça casse tout le momentum pour WrestleMania. Parce que normalement, ce genre de match, ils le font directement à WrestleMania et après, il y a les revanches dans les événements d'après. Là, je pense qu'il y a eu un test grandeur nature. Rousseff est au niveau, donc tant mieux. Cena a proposé un bon match face à lui, donc du coup moi j'attends un match que j'attendais pas du tout à WrestleMania, qui dans l'absolu me faisait chier, a trouvé un intérêt à mes yeux grâce à l'affrontement de Fastlane. Gus qui dit à Damien qui est censé tout simplement parce qu'il est d'accord avec lui. D'accord. Il y a Mehdi qui nous dit qu'il avait déjà tapé contre Angle. Ouais, je pense que c'était une période différente. C'était à ses débuts. C'était pas dans sa gimmick. Il a tapé contre Benoît aussi. Hein. Ouais, à mon avis, Vincent, mais il devait être il. Non, même pas. Au début, si, il était quand même très agaçant, hein, très arrogant. Ah, mais c'était en 2002, quoi. C'était il y a. Donc, ouais. On parle en Chine. On parle plutôt du super Cena un petit peu à partir de 2000. Never Give Up, ouais. Celui qui est devenu, enfin voilà, le visage de la WWE, évidemment. Enfin voilà. On parlait de. Mais en gros, à partir de 2004, hein, quand il prend le titre US à WrestleMania 20. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient vraiment hype, quoi, gars. Donc, et d'ailleurs, t'as Greg qui dit que Cena champion US, ce serait cool. Je suis pas d'accord avec ça, par contre. Bon, si on peut redonner du crédit au titre US grâce à Cena, pourquoi pas. Ah, déjà, rien que l'affiche Rousseff-Cena Fastlane, c'était déjà ça, hein, que tu compares ça au titre intercontinental, même si Bad News, Barrett, Dean Ambrose, c'est pas rien non plus. C'est quand même beaucoup mieux. C'est un cran au-dessus, ouais. C'est un cran au-dessus, enfin, voilà. Là, au niveau de la carte, on est un peu au-dessus. C'était Rocky 4, quoi. Exactement, Rocky IV, toujours et encore, le 10e volet de Rocky IV, à croire qu'il y a des fans dans les bookers de la WWE. Donc voilà, on va partir sur le dernier match de la soirée, et pas le moins important vu que c'est le main event, tout simplement. Entre Roman Reigns et Daniel Bryan pour déterminer celui qui ira affronter Brock Lesnar pour le titre à WrestleMania. C'est Roman Reigns qui a battu Daniel Bryan dans un match de 20 minutes 10. En face à face, je pense que c'est la première fois que Roman Reigns atteignait un tel temps. Je vais demander à Broussi ce qu'il a pensé de ce match. Mais c'est vrai que là c'était le test ultime vraiment pour Roman Reigns, parce qu'après donc la polémique après sa victoire au Royal Rumble, bien sûr que là du coup pour contenter les fans, disons que et calmer les mécontents, il fallait vraiment une performance de choix, et je crois qu'elle a été trouvée à mon sens. Et Bryan, mine de rien, à chaque fois, enfin pas mine de rien, c'est quand même un gars exceptionnel, parce qu'à chaque fois il met à chaque fois l'adversaire en avant, et là c'est encore le cas, mais encore que le match, franchement, montre quand même des limites un petit peu insoupçonnées chez Roman Reigns. Et puis, même Bryan, quand même, il fait le boulot. Il y a rien à dire là-dessus. Pour moi, je me suis régalé devant ce match. J'en fais même un des tout meilleurs matchs de l'année, déjà dans, au bilan, je pense, à la fin de l'année, il comptera. Donc voilà, après, pas le meilleur match nécessairement de l'année, mais franchement, ça fait un très bon main event avec toute l'intensité. Bon, encore malheureux le public, parce qu'avec un public chaud, ça aurait été encore plus merveilleux. Mais franchement, je me suis régalé de bout en bout. Après, évidemment, c'était tout à fait normal qu'on ait ce vainqueur. Même si, dans un coin de ma tête, je me disais qu'il n'y aurait peut-être pas de vainqueur et que ça aurait pu faire un triple threat. Mais ils se sont dit qu'il faut quand même aller jusqu'au bout du choix. Et puis là-dessus, je les soutiens, la WWE. Et si Roman Reigns arrive à avoir le même niveau de performance contre Brock Lesnar, ça peut donner un truc bien sympa quand même. Ou Benito. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont gêné, et une chose que Broussi a soulevé, le public. Moi, je pense que Roman Reigns s'en sort bien, que justement il n'y ait pas eu un public chaud. Pour lui, c'était beaucoup mieux, parce que s'il avait eu tout le public contre lui ça aurait été terrible. Ça aurait été trop. Franchement, mine de rien, bon, le public. En fait, il y a eu un petit mouvement sur Twitter avant Fastlane, un mouvement mignon, Let's Boo Brian, où les gens avaient quand même l'audace de dire que Brian n'était pas un très bon catcher. Je pense que franchement, faut c'était vraiment des trolls. Pour un main event de le dernier avant WrestleMania qui est censé vraiment lancer la road to WrestleMania, il y a un truc qui me gêne, c'est que il y a pas de prise marquante, il y a rien qui me marque dans ce match. Il y a pas de truc que dans 3 ans je me dirais, ah ouais, rappelle-toi du Brian Reigns, il y a eu ça, c'était exceptionnel. Donc ça me gêne aussi, parce que les deux sont capables de le faire, parce que voilà, quand t'as un big man et un mec aussi bon que Brian dans le ring, t'es capable de normalement d'apporter ce genre de truc là. Et la troisième point que je voulais mettre, c'est Bruce Lee, on a parlé aussi du fait que Brian met souvent ses adversaires en avant. Et moi, je trouve que là, c'était trop. C'est trop de. Enfin, il est trop corporate là, Brian, pour le coup. Il veut vraiment mettre Reigns en avant en disant, allez, grâce à moi, tu vas prouver que t'es capable d'aller face à Lesnar à WrestleMania. Et ça, c'est un truc qui me gêne parce que Brian, il a quand même joué un petit peu à la petite tepu de Reigns dans le match, et ça m'a pas trop plu, quoi. J'exagère un peu, hein, bah, c'est pour faire réagir, bien sûr. Ça m'a pas trop plu le fait que Brian soit un faire-valoir fort que ça dans l'absolu, mais soit aussi dévoué à mettre Reigns en avant, même si bon, ça fait partie du job, hein, mais je trouve qu'il y a, c'était un peu gros et c'était un peu trop nous enfoncer ça dans la gorge et ça m'a laissé un goût amer. But you gotta make Roman look really, really strong. Je suis assez d'accord. Bon. Mais... Moi perso, j'ai pas vu de caricature de ce niveau-là. Si. moi je suis assez d'accord, mais je vais laisser la parole à Gus. Le match en lui-même est plutôt satisfaisant, hein, honnêtement. En même temps, oui, pardon, le match est bon, par contre. Hein. Faire un mauvais match contre Brian, c'est assez compliqué. De toute façon, moi, je le trouve quand même assez limité, Roman Reigns, dans le ring, et j'ai peur que contre Lesnar, ce soit une grosse purge, quoi. Donc, je pense que si on réagit au match en lui-même, c'est sympathique. J'ai carrément pas aimé la fin, par contre, parce qu'on a une fin de un petit peu en cacahuète avec Brian trop sûr de lui qui criait ça tout va et Roman Reigns qui va quand même rater son spear. Je trouve parce que j'ai trouvé le spear raté, hein, enfin je sais pas votre avis. Ce qui est dommage parce que avant ils les réussissaient tous. Ah oui, mais là on est d'accord, le spear est raté très bien. Là, et là le spear raté. il manque souvent d'intensité, je trouve. Celui contre, sur le Big Show il y a 2 semaines à Raw, il est quand même montré dans toutes les écoles de spear. Oui, mais le problème c'est que en ce moment il est un peu, enfin voilà quoi, il ondule, il est un peu entre les deux quoi, c'est un peu compliqué. Continue donc, Gus. Pour revenir vite fait donc au main event de WrestleMania, parce que ça sera le main event ce Lesnar contre Reigns. Moi je pense qu'on va se taper une belle purge parce que je sais pas si Lesnar a va être au niveau parce que apparemment il a fait un no show à Raw lundi et oui, mais faut pas le croire, ça. Ouais, bah attends, imagine c'est vrai, quoi. Oui, mais imagine c'est vrai et tu parles beaucoup de rumeurs ce soir, Gus, je trouve. C'est la première fois que je parle de rumeurs, quoi. Ah non, non, non, tu fais souvent un peu des suppositions, ouais, ah oui, sur c'est acté. Fou, alors que ça tient des rumeurs et toi t'es là à dire c'est sûr, c'est acté. Donc, ah ouais, moi je suis comme ça. Moi, calme-toi, ne sois pas aussi sanguin. Oh, tu peux finir, oui. Ne sois pas sanguin, ne sois pas du sud. Je suis sanguin, monsieur. et donc, non, je pense que. Qu'est-ce que je dis? Voilà, tu me fais perdre mon fil. T'es content, Pierre de Pierre, hein? J'allais dire ton nom de famille, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, continue. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, voilà. Merci Pierre. Je te remercie énormément de parler, de me parler du Spire. J'étais en train de dire que le Spire était complètement raté et que, qu'après, Ruben m'a coupé aussi. Et j'allais dire autre chose sur Lesnar et au main event de WrestleMania. Et je sais pas si, moi ça me fait chier en fait de voir Lesnar dans le main event de WrestleMania parce que le gars il est jamais là, quoi. Même si on commence à être habitué avec les précédents main events du Rock, ça me dérange encore et toujours de voir des gars qui sont pas là toute l'année dans le main event de WrestleMania, même si commercialement parlant c'est sûr que c'est rentable pour la WWE. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à cela? Moi ce qui me fait juste peur pour Lesnar Reigns, c'est que j'ai pas l'impression que Lesnar ait envie de d'offrir sur un plateau d'argent son titre à Reigns, et je pense que ça peut être un petit sujet de controverse dans les coulisses, mais après le match en lui-même sur le on va dire sur le papier, il donne quand même envie, quoi. On a tous envie de voir si on peut s'étalonner avec lui, quoi. Enfin, s'ils peuvent s'étalonner, si Reigns, pardon, peut souffrir de la comparaison avec Lesnar. Et du coup, on a tous envie de voir ça. Et ça peut être quand même un super match. Ça peut être les deux, quoi. Ça peut être un match tout pourri façon Goldberg. C'est un peu qui tout double, c'est vrai. Ouais, c'est un peu ou le Goldberg Lesnar ou le Lesnar Angle, quoi. Sauf qu'à gueule, dans le ring, c'était un peu mieux. Hein. Ouais, c'est un peu mieux techniquement. Ouais. On se rapprochera sur un Lesnar Goldberg. Hein. Oui, mais ça je crois qu'on l'a bien compris, Gus, que tu pensais ça. Moi, j'ai envie de croire, justement, que ça sera un bon match. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. On verra. De toute façon, hein, on n'a pas encore vu WrestleMania, c'est dans un mois. C'est dans un mois, on y est presque. Enfin, franchement, quoi qu'il arrive, on passera tous une bonne soirée. Hein. Enfin, ou pas. Ça reste WrestleMania, ça reste une nuit magique, voilà. Pour les fans de catch. Hein. On est quand même content d'être à WrestleMania, même si le show est pas top, hein, honnêtement. Alors, Mehdi disait que c'était un bon match de la part de Reigns. En fait, il dit que cela se voit qu'il guide pas le match. Il rejoint un petit peu Rubénito en disant que c'était Daniel Bryan qui avait un peu fait tout le match et qui avait un peu dirigé tout ça. Voilà, donc après ça parle encore une fois de beaucoup des rumeurs qui tu vois, il y a pas que moi qui parle. Ouais, mais bon voilà, ne lisez pas les dirt sheets, arrêtez, on est jamais on est obligé d'en parler nous des dirt sheets, quoi. Arrête, tu le sais très bien, ça fait notre centre de commerce. C'est notre centre de commerce les rumeurs. Non mais non, je tiens à signaler par exemple sur je prends l'exemple de Voxcatch parce que j'y suis en même temps, mais on prend que des trucs avérés. Enfin, franchement, on parle pas de rumeurs vagues. Enfin voilà, c'est un choix. Ouh là, c'est entre nous. Il y a personne qui nous écoute, quoi. si. Bah, attends, il y a même des gens. Je rigole. Et peut-être vous qui n'écoutez pas le live et qui devriez, vous devriez être là le jeudi à 20h45. Tous. #WR live. Enfin voilà. Vous devriez être 60 millions à nous écouter, plus les Québécois. Et après cette énième exagération de Gus, on va donc on va attribuer les notes du pay-per-view. Donc je pense est-ce que vous avez vos notes, messieurs? Oui. Rubénito, ta note 6. 6,1. Oh, le relou, quoi. C'est juste pour faire chier avec la calculette. 6. Hop, si elle arrive d'ailleurs. 6, donc Broussi. 6, la même note que le papa, c'était un bon show quand même, même si forcément il y avait quelques fins qui étaient assez frustrantes et un ou deux matchs moyens par rapport à ce qui était attendu. Honnêtement, les deux derniers matchs m'ont comblé, puis il y a eu quelques bons moments, il y a eu du bon catch, donc papa vous dé mon plaisir après Royal Rumble qui était décevant à ce niveau-là. Donc, voilà. Gus, alors moi ça sera 3,5 tout simplement parce que le public était mort, je me suis fait chier, les fins de match ont quasiment tout été ratées, même la fin du main event avec ce Spear Butcher. J'ai quand même un peu de crédit, je donne quand même un petit peu de crédit quand même à Tyson Kidd et Cesaro, plus la victoire de Rousseff sur Cena par soumission. Alors Mehdi dit qui donne aussi 6, hein, on compte pas vos notes, hein, on reste sur 4, mais vous pouvez les donner, hein, c'est bien, c'est à titre indicatif, on compare avec la moyenne de l'émission. Je vais donner 5 à ce pay-per-view parce que il y a des bons moments et il y en a des vraiment moins bons. Le pay-per-view n'atteint jamais vraiment des niveaux trop faibles, je pense, mais ça n'atteint jamais des grands sommets non plus. Il y a juste le Rousseff Cena qui est vraiment cool quand même. Enfin, plus dans la deuxième partie, Tyson Kidd, Cesaro, c'est sympa. Et le main event est cool. Enfin, c'est vraiment le meilleur match de Reigns, mais aussi dans le storytelling, on sent que c'est un peu poussé, quoi. Seb qui me rejoint d'ailleurs et qui dit 5 aussi. Moi, je vais faire la moyenne de nous quatre, et ça donne un 5,125 sur 10. Donc, une note très moyenne. Je sais pas, je crois que ça doit être quand même au-dessus du Royal Rumble. On remarque avec, oui. Ouais, ça doit être au-dessus. Donc voilà. Bon, un deuxième pay-per-view gratuit. Alors, si des gens m'ont trouvé sévère, j'ai déjà mis un 0 au Royal Rumble l'année dernière. Ouais, Gus, il est du sud, il exagère. Hein. Ça, c'est pour vous résumer le personnage. Voilà. Et promis, on l'invite plus, promis. Promis, au prochain, il est pas là. Oui, on est un peu sérieux avec lui. On va vous rappeler que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube parce que pour ceux qui sont là sur le live, vous y êtes, mais pour ceux qui ne sont pas là, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et être prévenu. Enfin, il y a encore des gens qui sont pas abonnés à notre chaîne YouTube. Comment ça, il y a pas 60 millions de personnes. Il y a 150, on a à peu près 150 abonnés sur YouTube et on a plus de 340 j'aime. Il y a un écart type qui est un peu trop grand à mon goût. On est à 390 sur Twitter, donc 10 de plus, on est. On aimerait que vous compensiez les gens. Et à 400, c'est la fête. Exactement. Alors le Twitter justement @WrestlesRadio, le Facebook Wrestles Radio aussi, sauf que là vous mettez la petite apostrophe entre le E et le S. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible en téléchargement sur archive.org. Il est disponible aussi sur iTunes où c'est actualisé automatiquement. En fait, vous abonnez, c'est gratuit. Et en fait, à chaque fois que vous ouvrez iTunes et qu'un nouveau podcast, il s'actualise de lui-même. Et surtout aussi, vous pouvez aller sur le site wr.voxcatch.fr. Il y a des articles, notamment des articles pré-pay-per-view de ces chers Rubénito et Renault. Il y avait eu là sur Fastlane, c'était les cinq meilleurs matchs, des one shot, un petit peu comme ça, c'est ça. C'est ça. Et là pour WrestleMania, on vous fait en fait comme on s'est battu avec Renault dans la salle de rédac pour trouver un top 5. On va faire 3 top 5, un de WrestleMania 1 à 10, un de 11 à 20 et un de 21 à 30. Ça va être sur 3 semaines. Moi, j'ai envie de faire aussi un truc pour WrestleMania. J'ai envie de lancer une chronique qui s'appellera « Qu'avez-vous pensé de qu'est-ce que Twitter a passé du pay-per-view ?» Donc, je vais sélectionner tous les tweets, tous les meilleurs tweets que vous avez fait sur le hashtag PPVAB1 et sur le hashtag du pay-per-view. Et je vais m'amuser à en décortiquer, en prendre 5 ou 10. On ne sait pas encore ce que je vais faire. Et je vais les mettre en ligne sur YouTube. Ça, c'est clair. Ça, on ne sait pas. Ça donnera un petit peu de crédit à vos réactions sur notre site, comme ça, ça vous montre qu'on est vraiment attentif à ce que attentif, vous dites. Oui, voilà. Merci Gus. Donc voilà, peut-être encore un nouveau concept. Donc wr.voxcatch.fr, il y a des articles et vous retrouvez bien sûr tous les podcasts depuis oulala et depuis très longtemps. On a plus de 4 ans maintenant. Il y a toutes les interviews bien sûr, dont Matt Stryker. Il y en aura bien maintenant une par mois, c'est ça. On le remercie pour l'intro d'ailleurs, Matt Stryker. Oui, vous l'avez entendu dans l'intro, il nous renomme Wrestlers Radio. Mais bon, on prendra le nom s'il veut, c'est pas grave. Les partenaires, il y a Voxcatch, vous pouvez retrouver ma petite review de Fastlane parce que j'ai aussi un avis. Voilà. FN Lutte. British Wrestling Revival, ma chaîne de catch, il y a Catch Lutte, je crois aussi, oui. Et Lucha Underground FR, qui en fait reprend les épisodes de la Lucha Underground pour les commenter en français. Donc si vous avez du mal avec la langue de Shakespeare et que vous voulez quand même regarder ce show qui est vraiment très très cool, ouais. La langue de Gus, parce que c'est pas la même que le français. Quel bâtard. Donc voilà. Donc Lucha Underground FR, vous les trouvez facilement sur Twitter. Voilà. Le prochain podcast, c'est après WrestleMania qui est le 29. Donc le prochain. J'espère que vous irez aller voter. Live, ouais. Le prochain podcast live, ce sera le jeudi 2 avril, du coup, à 20h45. On espère vous retrouver aussi nombreux ou plus nombreux. pas l'inverse, voilà. Et donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les interviews qui sont sous-titrées en français. Hein. Franchement, on fait tout le boulot, on vous les sert sur un plateau d'argent, il n'y a plus qu'à écouter. On va vous remercier tous d'avoir été présents, que ce soit Sam, Nicky, Mehdi, etc., Greg. On vous remercie d'avoir été présents. Renaud sur Twitter qui était là, on a eu aussi quelques autres réactions sur WR Live. On peut pas tout dire, mais on essaie quand même. Fan de Renaud aussi sur Twitter qui nous a demandé pourquoi il était pas là et que du coup il nous écoute pas. Yo monkey. Parce que Renaud revient vite s'il te plaît. On a besoin de toi, surtout faut remplacer Gus. Ouais, au revoir. On aime bien le taquiner quand même. Je vous remercie messieurs d'avoir été présents quand même. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à la prochaine. Ça va être un coup de klaxon de Brousty avant de partir. Ciao. En avant. Chouchou. Zoubi. Allez, salut. En avant Guingamp. Ah non, j'ai perdu.